Le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite, ne pense pas qu'à faire du profit. Mais profite au fil du temps, vas-y, peaufine la vie, l'ami. Disant que je rappe gros, je lâcherai jamais le chromie. Je resterai pas non plus planté au lit, la terre tourne. Mais pas pour tout le monde dans le même sens. Pas pour tout le monde dans les mêmes temps. Pas les mêmes tempéraments, pas les mêmes rangs. Mais les mêmes dangers nous guettent errants. Dans les rues de Paname, à la conquête d'une âme charitable, c'est banal. L'idée c'est banaliser, c'est pas dans l'homme ne veut pas s'allier. Non, ne me parle pas de pécule. La seule richesse que je possède, c'est d'ignorer quand les gens disent que t'es nul. On a tous pas le même vécu, mais la mort viendra tous nous chercher, ça le sais-tu. Je n'étais qu'une seule cellule, je me suis divisé. Je suis des milliards, pourtant je reste singulier. On va tous partir en haut, rien ne sert de vouloir clouer les autres par terre. Pour cela, personne ne peut mettre son veto. Rares seront ceux qui connaîtront la fin parfaite. On va tous partir en haut, rien ne sert de vouloir clouer les autres par terre. Pour cela, personne ne peut mettre son veto. Rares seront ceux qui connaîtront la fin parfaite. Où j'en suis aujourd'hui? Où j'en suis aujourd'hui? Pendant que le temps tourne, moi je trottine un tas de trucs trottent dans ma tête. Où est-ce que je vais en fait? Est-ce moi qui mène ma vie ou c'est elle qui me mène? Hein? Drôle de question, je réfléchis, putain, encore d'autres questions. Mais je vais jamais m'en sortir si je me pose trop de questions. Suis-je égocentrique quand je suis en introspection? Serre-moi un sky sec, je crois ce soir, faut que je vide mon sac. C'est très délicat pour moi parler de choses que je dévoile pas. Je vois pas, se reposer un peu plus sur moi. Je me dois lui prouver qu'il peut compter sur moi. J'ai le cœur qui se contracte quand je vois que le temps passe, ça me dépasse. Savoir qu'un jour papa ne sera plus là. J'ai le cœur qui se contracte quand je vois que le temps passe, ça me dépasse. Savoir qu'un jour maman ne sera plus là. On va tous partir en haut, rien ne sert de vouloir clouer les autres par terre. Pour cela, personne ne peut mettre son veto. Rares seront ceux qui connaîtront la fin parfaite. On va tous partir en haut, rien ne sert de vouloir clouer les autres par terre. Pour cela, personne ne peut mettre son veto. Rares seront ceux qui connaîtront la fin parfaite. Le temps nous mène à la baguette.